Je trouve que le grand intérêt du livre d'Alain Ruscio, c'est qu'il traite de l'OAS en montrant ses racines, en montrant aussi son essence, en particulier cet attachement à la domination coloniale en Algérie qui la caractérise au-delà des appartenances idéologiques qu'elle a essayé de coaguler, si je puis dire, au fil de son combat. Donc, il part de ses racines et il explique l'essence de l'OAS. Et puis, il va aussi jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'interminable histoire de l'OAS est inachevée, si je puis dire, puisque on rencontre encore un certain nombre de personnes qui présentent l'OAS comme des résistants. Ce que l'on peut entendre quand on assiste à des présentations de livres, justement, d'anciens qui racontent leur mémoire et qui n'ont aucun regret par rapport à leur engagement passé. Hein. Donc c'est ça l'intérêt, à mon avis, de ce livre, c'est non pas de commencer à la constitution de l'OAS, c'est-à-dire janvier-février d'abord à Madrid, et puis l'apparition, au moment du putsch, hein, et au lendemain du putsch. Donc, non pas de commencer à ce moment-là, mais de montrer que ça s'enracine dans une violence coloniale qui a été exercée par des civils armés tout au long de la colonisation. Et notamment, il y a eu l'épisode du 8 mai 45 à Guelma, par exemple dans la ville de Guelma, où une milice s'est constituée et elle a été armée, et c'est elle qui a fait les exactions, les assassinats. Et puis, tout au long de la colonisation, on en trouve des exemples. Voilà, c'est cette violence dont l'OAS est un peu l'expression, en même temps que le paroxysme, en quelque sorte. À la fin de la guerre d'Algérie, je fais partie de la même génération qu'Alain Ruscio, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que, à ce moment-là, dans les années dernières années de la guerre, 61-62, eh bien, ce fait colonial qui était lointain pour les métropolitains, il nous est arrivé. C'est-à-dire que c'est dans les lycées que les jeunes prenaient position pour l'un ou pour l'autre, c'est dans les rues de Paris que explosaient les charges de plastique, etc. C'est arrivé jusqu'ici. Hein. Donc, c'est ça, à mon avis, l'intérêt de livre de Ruscio. Et mon propos va être de prolonger en quelque sorte sa réflexion finale, qui consiste à montrer qu'il faut décoloniser les esprits, décoloniser la société française, sortir de toute cette empreinte colonialiste qui nous a été léguée par le passé, débloquer l'histoire, tu dis aussi, en finir avec la rumination éternelle du passé colonial, c'est une de tes formules à la fin. Donc, je vais essayer de prolonger cette réflexion qui est un peu l'aboutissement du livre, en montrant que le passé colonial continue à nous influencer et à peser sur notre présent. C'est-à-dire que c'est pas seulement une réflexion d'historien qu'il s'agit de mener par rapport à cette page du passé, c'est aussi quelque chose qui nous concerne, qui concerne notre actualité présente. Le passé colonial a été hyper présent dans les discours officiels pendant toute la période des colonies. Il était présent. La justification de la politique coloniale, je dirais, était hyper présente. Elle était présente dans les discours officiels. Dans toute la période de la guerre d'Algérie, par exemple, les différents hommes politiques, alors évidemment, on cite François Mitterrand parce qu'il est devenu président et puis qu'il a continué à faire partie du personnel politique français, et c'est important de montrer cet exemple emblématique, mais tous les hommes politiques de la quatrième disaient la colonisation, d'abord c'est civilisateur, c'est le bien que nous répandons, c'est les bienfaits, et puis la France ne pourrait pas survivre à la perte de l'Algérie, par exemple. Ça, c'est une idée qu'on trouve sous la plume de différents présidents, présidents du Conseil, etc. La France ne survivra pas à la perte de l'Algérie. Bon, alors c'est une énormité, puisqu'on s'est rendu compte quand même que le pays ne disparaissait pas avec les accords d'Évian. Bon, donc, hyperprésence du discours colonial pendant l'époque des colonies, à travers aussi, tu as fait référence au film, tout ce qui relève de livres, y compris dans les illustrés pour enfants, dans les livres scolaires, dans différents illustrations publicitaires et tout ça. Il y a un bain colonial, et tu as travaillé aussi sur la chanson, par exemple. Bon. Donc, il y avait un bain, un univers mental, en quelque sorte, de justification qui était hyper présent pendant la période coloniale. Et quand il y a eu ce constat final de l'échec, de la présence française en Algérie, ce qu'on a appelé la décolonisation, eh bien, il y a eu un effet de sidération et de silence. De Gaulle a choisi de présenter la colonisation comme quelque chose de dépassé, hein, il fait référence à l'époque de la lampe à huile et de la marine à voile, bon, en disant c'est plus à la page, regardons ailleurs, l'Europe, la modernisation de la France, le réseau autoroutier, etc. Donc regardons ailleurs, détournons le regard, et il y a eu un effet de silence. Il n'y a pas eu de changement de discours de nos autorités par rapport à celui qui était tenu antérieurement. Et si le bain culturel auquel je fais référence, les films et tout ça, ont cessé de paraître et d'être diffusés, cela n'a pas été remplacé par autre chose. Cela n'a pas été contredit. Dans ce silence officiel, dans cette difficulté d'aborder cette question, on constate par exemple que les programmes scolaires ont mis plus de temps à parler de cette période qu'ils n'ont intégré la période de la Seconde Guerre mondiale. L'écart chronologique peut être mesuré. Donc, pourquoi tant de gêne? Pourquoi cette difficulté à remplacer un discours par un autre, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai, et en tout cas, cet effet de silence, il a laissé intact les acteurs les plus résolus et la pensée et les idées des acteurs les plus résolus qui n'ont pas cessé de se structurer en quelque sorte, ou de maintenir leur structure. On a une association, par exemple, des anciens de l'OAS, qui est encore extrêmement structurée et avec une vie interne, associative, avec une tentative aussi d'annexer la nostalgie légitime de toute personne vis-à-vis de son passé, par rapport à ce qui se passait, enfin retrouver des compagnons de classe, etc. Enfin, se préoccuper des lieux où on a grandi, des cimetières, des gens qu'on a ensevelis, etc. Récupérer cette mémoire au profit d'un discours de justification de la colonisation. Alors les facteurs. Pourquoi cet effet de silence qui a permis un retour, un effet de retour. Moi, je dirais cela. C'est-à-dire que il y a eu une réanimation qui s'est produite au fil des décennies grâce à l'absence de travail, en quelque sorte, sur le discours tenu dans le passé et la nécessité de le remplacer par autre chose. Cet effet de retour, il a reposé sur un certain nombre d'acteurs. Alors, les principaux acteurs sont ceux auxquels je faisais allusion, qui sont effectivement toujours dans le même ressassement, dans la même nostalgérie, cercle algérianiste, etc. C'est les acteurs les plus actifs du retour de ce discours d'antan. Mais il y a, à mon avis, un ensemble de facteurs secondaires qui expliquent la lenteur et la difficulté de la société française à traiter ce sujet. Et dans le silence ou la gêne, eh bien, les plus résolus sont justement ceux qui ont un discours le plus bétonné, le plus structuré de nostalgie. La droite française, elle s'est divisée profondément sur la question coloniale, car le général de Gaulle, après être revenu au pouvoir en 58, le 13 mai 58, eh bien, il a, en septembre 59, dessiné un virage qu'il a confirmé par la suite, etc. Et ça a provoqué une fracture au sein même des forces politiques qui l'avaient porté au pouvoir. Alors, il y a ceux qui partent tout de suite, Jacques Soustelle, par exemple, dès la fin de 59, il s'en va. Et puis, il y en a d'autres, Bidault, Maréchal Juin, d'autres, enfin bon, qui prennent leur distance, plus ou moins explicite. Et puis, il y a, à partir du moment où de Gaulle confirme sa volonté de faire l'indépendance de l'Algérie, de préparer une transition vers cette indépendance, ouvre les négociations d'Évian en mai 1961, il y a le premier ministre de l'époque, c'est pas rien, Michel Debré. Michel Debré n'est pas d'accord. À deux reprises, il présente sa démission, De Gaulle la lui refuse parce que il se fait tirer dessus par les OAS, il veut pas que tout le monde le lâche, sinon toutes les forces sur lesquelles il a construit sa majorité vont le rendre minoritaire. Donc, il le voit. Hein. Il s'appuie sur d'autres, sur Jox, Louis Jox, et pour les négociations d'Évian, etc. Mais il y a une fracture. Fracture qui est un problème. Debré démissionne au lendemain des accords d'Évian, avant même l'indépendance d'Algérie. C'est un problème pour la droite. C'est quelque chose qui l'affaiblit, comme l'avait affaibli sa fracture pendant l'occupation entre 1940 et 1944, où là, il y avait une droite pétainiste et il y avait une droite gaulliste. Il y avait, chez les gaullistes, aussi une droite. Il y avait des gens de droite qui étaient dans la résistance et dans la France libre. Et donc la droite s'est fracturée, ce qui fait que dans les années qui ont suivi la guerre, elle était peu en position d'assurer des fonctions gouvernementales. C'est là plutôt la gauche, les différentes forces de la gauche qui occupaient, disons, l'éventail politique. Et ça, c'est un problème. Donc, la droite est embarrassée avec cette question coloniale. Elle est conduite à masquer ses différences, ses divergences, elle est gênée avec elle. La gauche me semble également gêné par cette période de notre histoire, d'abord parce que des secteurs importants de la gauche se sont ralliés au prétexte de l'œuvre civilisatrice à l'œuvre coloniale dès le 19e siècle. Hein, on trouve sous la Seconde République des jalons de ce ralliement à l'idée coloniale. Je vais pas dans les détails, mais on pourrait l'expliquer et l'argumenter. Et par la suite, disons que la SFIO, ben, c'est connu de tout le monde, hein, avec la politique de Guy Mollet, plonge le pays dans la guerre pendant l'année 56, alors que les élections de fin 55 pouvaient laisser espérer autre chose à une partie de l'opinion. Eh ben, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a des responsabilités très grandes qu'il faut pas schématiser, hein, parce que faut se souvenir que, par exemple, le gouvernement Guy Mollet, effectivement, qui se constitue au début de l'année 56, ben, en démissionne Pierre Mendès France, par exemple, au mois de mai. Hein. Alors évidemment, c'est un anticommuniste et c'est la tête de Turc des communistes. Alors bon, il n'est pas d'accord avec la politique. Il a fait, lui, en mars 56, l'indépendance de la Tunisie et l'indépendance du Maroc, et après avoir fait les accords de Genève. Et donc, c'est un décolonisateur. Hein. Bon, mon but n'est pas ni de chanter les louanges de Pierre Mendès France, ni celles du général de Gaulle, mais enfin, ça fait partie de notre histoire. Hein. Et après, Alain Savary démissionne en octobre, au moment de l'affaire de l'avion, hein, bon, etc. Bon. Et François Mitterrand, il n'est pas dans le gouvernement qui suit Guy Mollet et qui est pire que Guy Mollet. Parce que Maurice Borges-Monoury, qui constitue un gouvernement en juin 57, eh bien, il prend les durs du gouvernement précédent, à savoir le Jeune, Lacoste, un certain nombre d'autres, mais par exemple pas Mitterrand. Bon. Enfin voilà, il faut voir tout le fil. Ça ne veut pas dire que Mitterrand n'a pas été extrêmement gêné et extrêmement absent sur ce dossier-là, voire coupable d'avoir opéré cette réhabilitation de 82, qui était la dernière étape d'une longue série de mesures qui, d'abord, étaient les amnisties partielles, et puis ensuite se sont étendues avec celle de juin 68, etc. Bon, qui contribue à tout ça, De Gaulle, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, les forces politiques françaises ont baigné dans cette histoire, ont des parts de responsabilité. Et la force politique qui a été la plus anticoloniale est incontestablement le Parti communiste français. Mon analyse l'histoire depuis 1920 jusqu'à la période de l'indépendance de l'Algérie consiste quand même à pointer, et d'ailleurs les travaux d'Alain Ruscio l'ont montré, par exemple la dissolution de l'étoile nord-africaine en 1937, dont se réjouit l'humanité, que cet anticolonialisme communiste a été par éclipse et par à-coup et de manière discontinue avec l'influence de la politique soviétique. Bon, c'est un des points auxquels on est confronté. Et alors la Ligue des droits de l'homme, puisque je ne vais pas parler essentiellement du Parti communiste, qui nécessiterait une approche plus fine et plus précise, mais la Ligue des droits de l'homme, en ouvrant cette rencontre, il était rappelé son opposition à la torture et son engagement. Je dirais que avant 1958, c'est-à-dire entre 54 et 58, et bien sûr dans la période qui précédait, l'anticolonialisme de la Ligue des droits de l'homme a été extrêmement limité, voire même la ligne qui a dominé, bien souvent, était une ligne colonialiste de progrès. Il y a eu un congrès de 1931 où cette question a été débattue, et il y a eu deux tiers en faveur d'un discours de ce type, pour un tiers qui pouvait apparaître comme plus résolument anticolonialiste. Bon, donc c'est un anticolonialisme extrêmement limité, voire inexistant à certaines périodes de son histoire. Un exemple, j'ai essayé de retracer l'évolution de Jaurès, donc avant 14, sur la question coloniale. Jaurès évoluant très fortement sur cette question coloniale, devenant anticolonialiste, moi je dirais, entre 1908 et 1914, et il essaye de convaincre, notamment en 1912, quand les guédistes soutiennent un plan de colonisation du Maroc, et un peu avant, quand la Ligue des droits de l'homme soutient, parce qu'il se proclame victime de l'administration coloniale, un propriétaire foncier de Tunisie, sous protectorat, eh bien, Jaurès va à la fois engueuler, si je puis dire, la Ligue des droits de l'homme de ne pas d'avoir pris la position qu'elle a prise, et ensuite les socialistes d'avoir suivi cette orientation colonialiste que les guédistes prennent en 1912. Bon, donc c'est un anticolonialisme extrêmement limité. Avant 1958, avant que Daniel Meyer ne rompe avec la majorité de la SFIO et avec Guy Mollet et prenne la présidence de la Ligue des droits de l'homme, eh bien, c'est très mesuré, l'engagement. Y compris, on constate, après le 8 mai 45, elle se fait embobiner aussi, comme elle s'était fait embobiner en 1909 pour ce Tunisien propriétaire foncier, dans la défense d'Akhari, d'André Akhari. Parce que son père était un résistant SFIO, socialiste, et qu'il a utilisé une image qui lui a permis de faire... alors que c'est précisément un des fils conducteurs de cette violence coloniale qui aboutira à l'OAS. Voilà. Donc, la Ligue des droits de l'homme, dans le passé, elle n'a pas que des choses à l'actif de son travail. Elle a aussi des manques et elle est un peu à l'image de l'ensemble de la société. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle ne doit pas le regarder en face, ce passé, et faire le travail qui est nécessaire à tous et plus particulièrement à certains, bien évidemment. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, paradoxalement, la métropole a été un peu épargnée par le fait colonial, même si elle a baigné dans un discours sur la colonisation. Le fait colonial lui-même était lointain, était mal connu des métropolitains. On leur disait, on leur faisait un récit à ce sujet, à l'école, ailleurs, mais ça ne n'interférait pas, en quelque sorte, au vécu social métropolitain. Et si bien que les anticoloniales, les nationalistes algériens, par exemple, ont trouvé en métropole un espace de sociabilité, alors limité, parce que on a une répression spécifique à leur égard, mais quand même, ils avaient plus de marge de manœuvre pour faire des journaux, pour faire des réunions, pour faire des mouvements en métropole qu'en Algérie même. Hein. Donc, le fait colonial, il était loin. Mais, paradoxalement, quand il s'est arrêté là où il se produisait, eh bien, il est revenu vers la métropole avec une présence directe. Et la société française, c'est depuis la fin des colonies qu'elle est directement concernée, impactée par le retour du colonial. Et ça, c'est paradoxal. Et je terminerai en prenant l'exemple de la question du statut des étrangers d'origine européenne par rapport aux étrangers d'origine non européenne. Il a été différencié en 92, au moment où on a établi cette citoyenneté européenne pour l'ensemble des ressortissants des pays membres de l'Union, puisque on a reconnu une citoyenneté, un droit d'établissement, etc., puis un droit de vote aux élections locales et aux élections européennes pour les ressortissants des pays de l'Union européenne. Et là, il y a une différenciation. C'est là où la Ligue des droits de l'homme, par exemple, demande, comme d'autres, le droit de vote local de l'ensemble des résidents étrangers. Donc, il y a une différenciation, et cette différenciation, elle est actuellement poussée encore plus loin, non seulement par le discours du Front National, qui, derrière le mot d'étranger, vise les extra-européens essentiellement. Bon, quand on est xénophobe, quand on est antisémite, quand on est quand on est raciste, eh bien, on peut être raciste pour faire preuve de racisme vis-à-vis de plein de gens. Certes, il ne le limite pas probablement à ces gens qui viennent du Sud et qui ont un teint de peau plus foncé. Mais enfin, quand même, c'est cela que vise, c'est ce racisme, c'est l'islamophobie qui est le point de fixation central du racisme d'extrême droite. Et on le voit maintenant, ce racisme, partagé par une bonne partie de la droite, voire le responsable actuel du principal parti de cette droite qui vient de prendre une position qu'il n'avait pas prise jusqu'à présent sur la question de l'accès à la nationalité et sur la question du droit du sol. Hein, puisque le code de la nationalité, qui remonte à 1889, donne en gros l'accès à la nationalité française de tous les enfants nés en France, pas tout de suite, mais bon, qu'importe les modalités, et une différenciation est prônée par Nicolas Sarkozy, là, les Républicains, entre ceux qui viennent d'Europe et puis ceux qui viennent à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est bien la preuve que cette distinction entre indigène et civilisé, qui du temps des colonies était pensée comme les Européens, les Blancs, et puis les autres, les extra-européens, les gens des autres continents et des autres races. C'est comme ça qu'on apprenait les choses aux enfants. Hein. Rejaillit aujourd'hui, fait retour aujourd'hui. Et mon dernier mot, ça sera que la République a eu un volet de son histoire qui renvoie au passé colonial. Cela n'est pas le seul aspect de son histoire. Je ne pense pas qu'il faille rejeter l'ensemble de l'histoire et même des processus de sécularisation, de démocratisation, de séparation du religieux et du politique et un certain nombre d'évolutions de la société européenne et française qui a pris la forme de l'émergence de l'idée républicaine au seul fait qu'il y a eu l'histoire coloniale. Mais il faut le reconnaître, cela. Et on ne peut pas faire une espèce de référence rituelle à la République comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Un peu partout, à droite, à gauche, eh bien, la République, ça semble être la panacée. La République, fait-on allusion derrière ce mot à un certain nombre de principes républicains, ceux de 89 par exemple, d'autres, un certain corps de doctrine démocratique qui sous-tend son idée même, c'est une acception du mot république, ou alors à la République réelle, si je puis dire, dans son histoire, qui a eu différents aspects du point de vue social, ne serait-ce que du point de vue interne à la France, ou du point de vue colonial, qui doivent être regardés en face. Et de la même façon qu'on a eu besoin, par rapport à l'idée socialiste, de distinguer le socialisme réel, par exemple, pour désigner l'expérience communiste soviétique, et on pourrait aussi avoir besoin de séparer différentes utilisations du terme à telle ou telle période de l'histoire française ou européenne. Je fais allusion à Guy Mollet, à la SFIO, par exemple. Bon, donc, des occurrences réelles avec l'idée même. Et je pense que la République, on ne peut pas faire l'économie de cette séparation. Il y a la République sociale, c'est une chose, et la République antisociale, qui est une autre chose. Hein, le débat Jaurès-Clemenceau dans les années qui ont précédé 1914, il est fondamental. Et sur la question coloniale, il y a aussi une page qui doit être revisitée.